Bienvenue à vous, c'est Ludo. Le mix de Ludo, tous les week-ends, 21h-23h, sur... Ah oui, en même temps, si je monte pas le curseur, ça avait pas marché. Je disais donc, Ludo, sur la radio, Ludo, le mix de Ludo, le vendredi et le samedi sur... Why does it?

de Ludo, c'est ça aussi, des souvenirs. Queen, I want to break free. À l'instant, c'était Spania. Busy Lady. Bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 21h, jusqu'à 23h, pardon.

de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Thank you.

Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM, sur GFM. Attends, mais c'est des trucs qui marchent, c'est bien. Hein. Bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. On a encore une heure à passer ensemble. Enfin, un tout petit peu moins d'une heure. 57 minutes pour être précis. Ah ah, Quiet Roof. Juste avant, c'était Pascal Obispo, vous auriez deviné. 1980. On va y rester dans les années 80. Bonne soirée à vous. I'm not afraid to

21h sur Tour GFM. Autant m'énoncer et que ça marche, autant continuer. Dépêche mode à l'instant, Policy of True, voici Indochine 89. Ouais, je dis, on reste dans les années 80, 90, on y est. Souvenir, bonne soirée à vous. Souvenir ce soir.

Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. But when I woke up this morning, could have sworn it was just a day. Sky was all purple, there were people running everywhere. Trying to run from the destruction. Out of time. So tonight I'm virginité, timidité, cruauté, nudité, féminin comme la jalousie, la calomnie, l'insomnie, la folie, féminin comme toutes mes blessures, la gueule d'un homme, c'est sa seule aventure. Bonne soirée, on se retrouve demain. On se retrouve demain, demain samedi 21h-23h, comme tous les week-ends, vendredi et samedi. Le mix de Ludo. Mix le vendredi et le samedi à 21h sur SourgiFM.